Chapitre 43e, la vengeance de Lady Wangar. Enfin arriva le soir que Harry avait fixé pour sa visite à Bolton Street. Il avait vu avec peine venir le jour de cette entrevue et était tenté de croire que Lady Wangar avait eu tort de la demander. Mais il avait promis d'y aller et devait tenir sa parole. Il dîna ce soir-là à Hounslow Crescent, où il avait repris ses anciennes habitudes. Il s'était mis de nouveau à accompagner Cecilia à la nurserie, et là, il embrassait les babies et se comportait comme un membre de la famille. Il semblait que tous n'eussent jamais connu ce terrible épisode auquel était mêlée Lady Wangar. Cecilia et Florence avaient tout oublié, et M. Burton lui-même en était venu à des sentiments plus charitables pour Harry et son caractère. Ce jour-là, Harry s'était rendu au bureau, y avait passé une heure, et en sortant avec Théodore, lui avait dit qu'il travaillerait désormais comme un cheval. « Si vous disiez comme un homme, dit Théodore, cela vaudrait mieux. » « Dites-le si vous voulez, » répliqua Harry, « mais je maintiens mon expression. » Burton aimait à espérer que ses promesses seraient tenues, et il retomba dans sa vieille habitude de parler d'affaires comme s'il n'y avait rien eu de plus intéressant au monde. Il était en ce moment absorbé complètement par les chemins de fer de la métropole et discourait sans fin là-dessus avec qui voulait l'entendre. Harry et lui avaient aussi peu à peu renouvelé leur ancienne intimité. Harry avait prévenu Cecilia et Florence de la visite qu'il se proposait de faire à Bolton Street, et la chose avait effrayé plus d'une conversation. D'ordinaire, un homme ne parle pas beaucoup à une femme de l'amour qu'une autre femme lui a avoué, et Harry, moins que personne, était sujet à une pareille vantardise. Mais dans ce cas, c'était Lady Wangar elle-même qui avait avoué son amour à Mrs. Burton et son désir d'épouser Harry s'il voulait accepter sa main. Tout cela était connu et inspiré aux deux femmes de naturelles alarmes. « À sa place, dit Cecilia, je n'aurais pas demandé une pareille entrevue. »« Je ne sais pas trop, dit Florence. Je ne vois pas pourquoi elle et Harry ne devraient pas rester bons amis. »« Ils pourraient rester amis sans se revoir à présent. Ce serait difficile. Le premier embarras doit être surmonté maintenant ou jamais. Je suis tenté de croire qu'elle a raison, mais à sa place, j'aurais hâte d'en finir avec une pareille entrevue. » Telle fut la décision de Florence. Harry, sans rien dire, était assis entre elles deux, doux comme un agneau, et au demeurant assez heureux de son rôle. À 8h30, il se leva, et avant de sortir de la pièce, serra la main de Cecilia pour lui faire comprendre qu'il avait quelques mots à dire à Florence en particulier. Ces mots dits sur le palier, Harry monta dans le cab qui l'attendait et arriva dans Bolton Street. Lady Wangar, au moment où il entra, était assise dans un fauteuil dont elle se servait d'ordinaire, près d'une petite table à ouvrage. Elle ne se leva pas pour le recevoir. Bien qu'il ne fût pas assez initié aux détails d'une toilette de femme pour reconnaître tout de suite qu'elle s'était habillée avec soin, il vit tout de suite qu'elle était charmante et que sa toilette rehaussait encore sa beauté. Elle était pourtant en grand deuil. Sa robe était montante et sur sa tête, elle avait un bonnet de veuve. Mais ce bonnet ne dissimulait pas sa riche et soyeuse chevelure brune, et sa robe faisait ressortir la perfection de sa taille. Elle avait bien pu songer à abandonner dans un prochain avenir sa fortune et à vivre pauvre et modeste, mais pour le moment, il fallait faire comprendre à Harry ce qu'il avait perdu. « Eh bien, Harry, lui dit-elle, quand il s'approcha pour prendre la main qu'elle lui tendait, je suis bien aise que vous soyez venu pour recevoir mes félicitations, mieux vaut tard que jamais. » « J'aime à croire que ce n'est pas trop tard, » dit-il, sans savoir au juste ce qu'il disait. « Vous le savez mieux que moi, mais c'est bien sincèrement que je vous félicite. Pourquoi en serait-il autrement? Pourquoi ne souhaiterais-je pas votre bonheur? Je vous ai toujours voulu du bien. Vous croyez à ma sincérité quand je vous parle ainsi, n'est-ce pas? Oh, sans doute, vous êtes toujours sincère. Je l'ai toujours été avec vous. J'ai toujours été pour vous une bonne amie, autant que cela dépendait de moi. Ah, Harry. Vous ne savez pas combien je me suis préoccupé de votre bonheur et combien j'y pense encore à présent. Mais peu importe. Parlez-moi un peu de votre Florence Burton. Est-elle grande? Lady Wangar savait que Florence était de petite taille. Non, elle n'est pas grande, dit Harry. Alors c'est une petite beauté. En somme, je partage assez votre goût. Les femmes les plus séduisantes que j'ai jamais connues étaient petites, vives et de proportions parfaites. Il est rare qu'une femme grande ait une belle taille. La taille de Julie était irréprochable. Vous rappelez-vous Constance Vane? Cette personne avait été dans sa jeunesse une poupée de cire pour qui Harry n'avait jamais professé ni goût ni admiration. Mais elle avait reçu une éducation achevée et appartenait à la fleur de la fashion anglaise. Son teint avait la pureté et la délicatesse d'une feuille de rose. Mais elle n'avait jamais eu une idée dans la tête et, partant, n'avait jamais su dire un mot. Elle et Florence étaient aux deux pôles opposés. Harry ne douta pas un instant de l'intention satirique de Lady Ongar en faisant un pareil rapprochement. « Elle ne ressemble en rien à Constance Vane, » dit-il. « Alors, à qui ressemble-t-elle ? Si elle est plus belle que Constance Vane, ce doit être une merveille. « Elle n'a aucune prétention de ce genre, » dit Harry d'un ton presque boudeur. « On me dit qu'elle est si belle, » reprit Lady Ongar. Or, la vérité est que Lady Ongar n'avait rien entendu dire de semblable. Elle ne savait rien sur Florence. Mais cette petite ruse entrait dans son plan de vengeance. « Je ne sais pas comment vous la décrire, » dit Harry. « J'espère que vous la verrez bientôt et que vous pourrez en juger par vous-même. »« Je l'espère aussi. Ce ne sera pas ma faute si je ne l'aime pas. » « Je suis certain que vous l'aimerez. Elle est fort intelligente, et vous apprécierez plus cela que la beauté. Après cela, je vous avoue que je la trouve jolie et très jolie. »« Ah, je comprends. C'est une personne qui lit beaucoup et a des connaissances. C'est fort beau. Mais je n'aurais pas cru que cela a dû vous séduire. Jadis, vous ne recherchiez pas le talent et la science. Dans les femmes, j'entends. »« Je ne sais pas, » dit Harry d'un ton embarrassé. « Mais vous autres hommes, vous n'aimez rien tant que les contrastes. « Vous comprenez ce que je veux dire. Une jeune fille instruite et d'une éducation accomplie sera pour vous une compagne bien meilleure que je ne l'eusse été. Vous voyez que je suis franche avec vous, Harry. » La pauvre femme avait perdu sa dernière chance et le savait. Mais avant de renoncer à la partie, elle ne pouvait s'empêcher d'essayer un dernier coup de dé. « Ces choses-là, reprit Harry, dépendent beaucoup du hasard. Prétendez-vous dire que vous épousez Miss Merton par hasard ? Ce serait peu flatteur pour elle. » « Le hasard, dans tous les cas, m'a bien servi. Oh, j'en suis bien sûr. Je n'en doute pas le moins du monde. Non seulement vous avez trouvé le paradis, mais vous avez échappé à l'enfer. » Elle se mit à rire, mais d'un rire forcé, et qu'elle se reprocha. Elle s'était promis de conserver durant cet entretien une parfaite aisance dans son ton et ses manières, et elle sentait qu'elle avait peine à rester maîtresse d'elle-même. « Vous avez juré de me taquiner ce soir, » dit-il. « S'il en est ainsi, » Je suis prêt à l'endurer. Je n'ai qu'un moyen de défense, mais je ne puis en faire usage. Comme si je ne vous comprenais pas. Voici ce que vous voulez dire. Quand votre bonne étoile a mis sur votre chemin Florence Burton, vous avez été maltraitée par une autre, et cette autre personne, qui s'est si mal conduite, ne peut vous blâmer d'avoir suivi votre bonne étoile et cherché votre bonheur. C'est là votre système de défense. Il serait parfait, Harry, si à mon retour, vous m'eussiez dit un mot de Miss Burton. Il est singulier que vous ne m'ayez pas écrit à ce sujet quand j'étais sur le continent. Cela m'aurait consolé de savoir que la blessure que je vous avais faite était guérie, si blessure il y a eu lieu. Vous savez bien qu'il y a eu blessure. En tout cas, elle n'était pas mortelle. De pareilles blessures ne le sont jamais. Elles ne sont qu'à fleur de peau. Je ne saurais vous dire ce qu'il en est à présent. Sans doute. Mais pourquoi en parleriez-vous désormais ? Vous êtes heureux maintenant. « Et vous avez tout ce que vous désirez. »« Moi, je n'ai rien de ce que je désire. » Il y avait un accent de tristesse réelle dans ses paroles et il en fut attendri. « Ne parlez pas ainsi, Lady Ongar, » s'écria-t-il. « Je vous dis la vérité. Qu'est-ce que je possède au monde ? J'ai plusieurs milliers de livres de rente et un nom flétri. Je le nie absolument. Aucun de ceux qui vous connaissent n'a mauvaise opinion de vous, Harry. Il y a dans cette pièce une personne, il y en a même deux. » Qui ont une mauvaise opinion de moi. Je suis l'une de ces personnes. Croyez-vous qu'il ne m'arrive jamais de me troubler au souvenir de ma faute ? Je ne cesse d'y penser, et cette pensée me remplit d'amertume. Et quant aux autres, je ne saurais vous dire, Harry, ce que je souffre en présence des gens qui me voient et qui m'entourent. Le cocher qui me conduit croit sans doute que j'ai empoisonné mon mari. Et le laquais qui vous a ouvert la porte me suppose une femme perdue par ce que je reçois ici. « Pardonnez-moi de vous dire que de tels sentiments sont morbides et se dissiperont. Vous avez l'esprit affaibli par suite de vos souffrances. »« Vous avez un peu raison, sans doute. Je m'y habituerai, et je finirai par trouver la vie supportable. Mais je ne puis plus rien espérer. Quel avenir me reste-t-il ? Jamais femme a-t-elle été plus délaissée que je ne le suis ? c'est là l'œuvre de votre cousin, celui qui est venu me trouver le sourire sur les lèvres, pensant que je me croirais honoré de sa condescendance. Je ne pense pas qu'il revienne jamais. Mais nous ferions bien de parler d'autre chose que de Hughes Clavering pendant les quelques minutes qui vous restent. Ainsi, dites-vous, Miss Burton est très intelligente et très instruite. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais je le sais. Ce sera pour vous un grand agrément. Je ne suis pas intelligente et je ne serai jamais devenue savante. Je n'avais qu'un mérite, Harry. Je vous aimais. Et quelle preuve en avez-vous donnée ? Harry ne prononça pas ces paroles. Il se contenta de le penser et garda le silence. Puis il prit un des bibelots qui était sur la table et le retourna entre ses doigts. Je suis insensé de vous parler de tout cela, n'est-ce pas ? Je pensais à vous le jour où je suis allé à l'hôtel pour me marier. Je pensais à l'offre que vous m'aviez faite de vos économies. J'y pensais à chaque mot injurieux qui m'était adressé, et pendant ces terribles nuits que j'ai passées à son lit de mort. Combien j'ai pensé à vous, Harry, dans cette voiture que vous aviez amenée pour moi à la gare du chemin de fer, où je vous quittais presque sans vous parler. Je pensais alors que le prix de ma honte pourrait vous enrichir sans vous déshonorer. Hélas, j'ai été déçu de mon espoir. Vous ne comprendrez jamais, Harry, ce que j'ai souffert le jour où cette affreuse femme m'a parlé de Miss Burton. Oh, Julie, qu'est-ce que je dois vous dire ? Ne dites rien. Pourtant, je m'étonne que vous ne m'en ayez pas parlé. Comment le pouvais-je ? Ça n'aurait-il pas eu l'air de vous mettre sur vos gardes ? Et pourquoi pas ? Mais n'importe. Ne croyez pas que je vous adresse des reproches. Comme je vous l'ai dit dans ma lettre, nous sommes quittes, et l'un n'a pas le droit d'en vouloir à l'autre. Mais je suis puni, et vous êtes récompensé. C'était là le dernier trait qu'elle avait voulu lui lancer. Il comprendrait sans peine sa pensée. S'il avait été moins prompt à l'oublier après son mariage, il aurait pu en être récompensé sans qu'elle fût punie. « J'ai été bien franche avec vous, » continua-t-elle. « Pourquoi ne le serais-je pas ? Mes sentiments pour vous ne sont pas un secret. Je vous les ai fait connaître parce que j'étais dans l'erreur. Ça a été votre faute, et c'est pourquoi nous sommes quittes. J'avoue que j'ai eu des torts envers vous. Oui, mais malheureusement, vous savez aussi que j'en ai eu envers vous. Eh bien, n'en parlons plus. J'étais franche avec vous. Vous ne m'avez rien répondu. Mais vous avez la langue liée par votre engagement envers Miss Burton et par votre amour aussi, sans doute. J'ai fini. Comment allez-vous vous marier, Harry ? Il n'y a rien de fixe à cet égard. Je suis très pauvre, vous le savez. Hélas, oui. Voyez un peu comme les choses vont mal. Je suis riche, vous êtes pauvre et je ne puis rien pour vous. Je le crains. À moins que je n'adopte Miss Burton et lui serve de mère, en quelque sorte. Peut-être vous déplaira-t-il de me voir jouer un pareil rôle à son égard. Mais vous êtes un habile homme, Harry. Vous savez travailler quand vous le voulez, et vous ferez votre chemin. Si Miss Burton vous fait encore attendre longtemps pour cette raison-là, je n'aurai plus d'elle une aussi bonne opinion. Les Burton sont tous des gens très prudents. Dites-lui de ma part que je lui conseille de n'être pas trop prudente. J'ai voulu l'être et vous voyez ce qui m'est arrivé. Je lui répéterai vos paroles. S'il vous plaît. Maintenant, Harry, écoutez. Pensez-vous qu'elle accepte un petit présent de moi ? En tout cas, vous pouvez le lui offrir. Donnez-lui ceci. Ce n'est qu'une bagatelle. Et elle lui remit un petit écrin. Et dites-lui. Sans doute elle connaît toute notre histoire. Oui, elle la connaît. Eh bien, dites-lui que celle que vous avez rejetée envoie ce petit présent avec ses souhaits les meilleurs à celle que vous avez choisie. Non, je ne lui dirai pas cela. Pourquoi pas ? N'est-ce pas l'exacte vérité ? Je n'ai pas empoisonné l'anneau qui est là-dedans comme certaines dames l'auraient fait autrefois. Vous lui ordonnerez de le prendre, n'est-ce pas ? Je suis sûr qu'elle le prendra sans que je lui ordonne. Dites-lui aussi de ne m'envoyer aucun remerciement. Elle me comprendra. Si, quand je la verrai plus tard, j'aperçois cette bague à son doigt, je saurai qu'elle m'en est reconnaissante. Là-dessus, Harry se leva. Je n'ai pas voulu par là vous faire partir. Mais peut-être ferez-vous aussi bien. Je n'ai plus rien à vous dire, et quant à vous, il doit vous tarder de voir la fin de votre pénitence. Il lui serra la main, balbutia quelques mots d'adieu et se retira. Elle ne se leva pas de son fauteuil, mais inclina la tête avec un doux sourire, et le laissa partir sans ajouter un mot.